Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. 18h, il est temps pour vous de retrouver toute l'équipe de Destination Série. Dans quelques instants, Laurent et toute son équipe vont vous proposer un nouvel épisode de Destination Série. Pour le moment, installez-vous confortablement pour apprécier ce nouveau pré-générique. Au niveau des acteurs, est-ce que au niveau, si on devait faire un crantage, est-ce qu'on est quand même au-dessus de Jean-Luc Reichmann? Oui, hein, juste un peu en dessous. De Jean-Luc Reichmann? Jean-Luc Reichmann est quand même installé, on peut pas dire c'est un mauvais. Oh la vache! Voici tout pour la lumière. Tout pour la lumière, le générique du feuilleton où certains acteurs jouent comme des quiches. Pas d'une vie rangée. Vivre chaque moment comme le dernier. Sur moi tous les cils braqués. Et dans la gueule du loup se lancer. Tant pis si je laisse mes doutes, mes failles envahir tout mon corps. Je ne laisserai pas mon tour, je ne laisserai pas ma chance. Question de vie ou de mort. Oshi qui a fait, c'est voilà. Pas une commande, c'est une chanson d'Oshi, ça s'appelle Nouveau Jour, comme la série. Et au moins, si c'est mauvais, on n'est pas loin. C'est... La pauvre, elle a un succès phénoménal. Elle est excellente en plus. Elle est excellente et franchement, c'est une très très belle chanson. Vous ne l'avez pas entendue, elle est sortie ce matin. Je vous la fais découvrir. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me jure transformer les jamais en toujours dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. J'étais bloqué dans un tunnel sans fin, mais c'est dans le noir complet que la lumière fait son chemin. Tous les vendredis dès 18h, Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. C'est l'événement de ce week-end. Le troisième album des Modern Talking est ressorti. Ready for Romance est disponible avec deux inédits. Promise. J'en ai deux, trois qui s'excitent en coulisses et qui me disent « Mais c'est pas un inédit, on connaît ce titre !» Bien sûr, pour ouvrir cette émission spéciale, je ne pouvais pas démarrer avec l'inédit, un des inédits du nouvel album, enfin du nouvel album, de la réédition du mythique album Ready for Romance. J'ai ouvert l'émission avec l'inoubliable Atlantis is Calling, histoire d'avancer en terrain connu. Ready for Romance, donc il y a eu ce carton avec Atlantis is Calling, et les Modern Talking ont eu aussi un gros succès avec un titre qu'on entendra plus tard, c'est le fameux Brother Louis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série, le 830e numéro, le 31e épisode de la 23e saison, et je tiens à signaler là tout de suite que l'alerte Benjamin est arrivée, que Benoît est pas dans les studios, mais il écoute, donc bonjour Sylvain, il va falloir faire gaffe et ne pas raconter tout et n'importe quoi. Oui, alors attends, parce que moi j'ai pas mis... On a discuté... Et j'ai pas mis le Allô. Micro. Ah, ça y est, je suis là. Non, mais déjà que je suis pas générique parce que c'est avec Benoît et Manon. Oui. Et en plus, tu me mets même pas le micro. Ça oui, oui, non, ça va pas. Hein, ça va pas. Oui, bonjour oui, Laurent, excuse-moi. Bonjour Sylvain. Ah. Il va falloir que j'envoie un message à Swellen qu'elle arrange ce petit souci technique. Je suis peut-être que stagiaire. Hein. Je risque d'être viré à tout moment, on sait pas. Alors écoute, stagiaire, c'est un bon plan. J'en connais une, ça fait 10 ans qu'elle est stagiaire sur France 3 et ça cartonne. Donc ça peut être un bon plan. Pourquoi pas. Ça peut être un bon plan. Aujourd'hui, on fera un focus dans Secrètement Vôtre, la suite sur la série Amicalement Vôtre. On aura notamment le plaisir de redécouvrir le célébrissime générique. L'excellent générique. L'excellent générique. On aura aussi, bien entendu, le rétroviseur 2.0, sans oublier notre numéro habituel de Secrètement Vôtre. Mais pour ouvrir ce nouveau Destination Série, un bon, c'est actu, ça ne se refuse pas, surtout que cette semaine, eh bien, la mission est difficile, la mission est dangereuse, mais Sylvain va relever le défi de remplacer Benoît, oh, et ce n'est pas une mince personne. Affaire. Je t'aide toi, mais j'en remplace personne, non, non, n'exagérons rien. Bah, excuse-moi, il n'est pas là aujourd'hui, oui, donc oui, oui, il faut bien quelqu'un qui... Je vais t'aider, on va dire. Oui. Voilà. Ah voilà, donc il ne remplace pas Benoît. Non. Benoît n'est pas viré. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Et oui, parce qu'autrement, il y a certaines infos, on les aurait pas avant qu'elles tombent. Hein. Et donc là, Benoît est en vacances avec sa chérie. Il profite donc du soleil du côté de la Bretagne. Oui, parce qu'ici, il fait très moche, hein, Nancy, il faut le préciser. Hein. Voilà, ici, on est en train de cuire les merguez sur les capots des voitures. Et pour le moment, on laisse le barbecue là où il est. Et on retrouve le C'est Actu. Alors là, je suis désolé aussi, j'ai pas rectifié. Donc, on annonce Benoît, mais il faut comprendre que c'est Sylvain. Bon. Voilà. D'accord. Donc, quand on vous dit Benoît, en fait, c'est Sylvain. C'est facile à comprendre. C'est Actu avec Laurent et Benoît. Et c'est bon. Alors, Benoît, on commence cette actu. Tu sais ce que ça me rappelle ? C'est la première fois où je suis venu à la radio. Benoît ne devait pas être là. Oui. Et je devais le remplacer. Et il est apparu oui. 5 secondes avant le début de l'émission. Bah, c'était pas prévu qu'il participe. On est enfin tous les deux. C'est, oui, bah c'est enfin, moi je dirais pas ça, mais je me suis dit, mais jusqu'au bout, il va peut-être apparaître. Mais oui, hein, je pensais le voir par la porte, là, mais non. Bah, moi aussi, je me suis dit, tiens, il a embarqué la porte des étoiles avec lui, et puis voilà, il va faire comme dans Kaamelott, il va passer d'une pièce à l'autre. On commence cette actu avec cette nouvelle série sur France 2, alors qui est apparue sans crier gare. Et tout le monde s'est posé la question, mais où a été tournée la nouvelle série de France 2, Une amitié dangereuse ? Alors, Une amitié dangereuse, c'est une mini-série historique en 4 épisodes de 52 minutes chacun. C'est adapté des romans de Marie des intrigues et Marie des passions de Juliette Benzoni. L'intrigue se déroule à la cour de Louis XIII. Ça suit les débuts délicats du règne. C'est surtout centré sur Anne d'Autriche, qui est interprétée par Stéphanie Gilles, et sa nouvelle amie Marie de Rohan-Montbazon, jouée par Kelly Despeaux. Et leur complicité, qui est d'abord bénéfique, vire à la tension politique et aux intrigues. Mais pour répondre à ta question, où, où cela a été tourné. J'ai du mal à le dire, celui-là. Ça a été tourné dans les châteaux de Fontainebleau, Époisse, mais aussi à l'abbaye de Fontenay, et même à Dijon et Pierrefonds, comme quoi. C'est un peu surprenant, mais surtout pas au Louvre, bizarrement, alors que c'est un peu le lieu de l'intrigue. C'est l'anecdote la plus étrange de l'information. Et en résumé, c'est une fiction autour des personnages de Anne d'Autriche, qui est plutôt réservée, et de Marie de Rohan, donc, dont on parlait tout à l'heure, qui est espiègle et qui anime la cour et qui rapproche le couple royal. Très vite, leurs liens entraînent des manigances, des rivalités de pouvoir. Voilà. Bon, il y a des choix esthétiques sur les tournages avec les châteaux de Bourgogne, en Île-de-France, loin du Louvre en tout cas. Et en conclusion, c'est une amitié dangereuse qui nous plonge dans l'univers politique et intime de l'époque de Louis XIII, entre biopic, complot, mais dans un décor historique somptueux, mais surtout pas au Louvre, encore une fois, ce qui est quand même le comble de la série, je trouve. Désormais, c'est peut-être compliqué de tourner au Louvre, et pour retrouver des décors qui s'en rapprochent, on a d'autres châteaux. Oui, c'est ça, c'est l'idée en fait. Hein. Après, je pense que le spectateur ne voit pas la différence de toute façon. C'est un peu l'idée. Hein. Oui, puis après, expliquer la présence de la pyramide, c'est un peu compliqué. Si tu les vois par la fenêtre, ouais. Ou au reflet. Oh, une pyramide. Il y aurait un problème temporel. Le 7 Actu, c'est aussi la saison 2 de Andor. On en a parlé dans Destination Série à plusieurs reprises. Certains avaient dit leur louange, leur adoration devant Andor, et d'autres avaient vomi. Mais là, c'est quand même plutôt positif, puisque Andor, saison 2, est un véritable carton. Alors oui, c'est un succès encore plus retentissant que la saison 1. Est-ce que c'était possible ? Ils l'ont fait. Et la deuxième saison sur Disney+ surpasse largement la première. Et ça a même battu plusieurs records d'audience dans les jours qui ont suivi sa sortie. Et chaque saison déjà avait établi 4 nouveaux records d'audience successifs. Et l'engouement du public, en fait, semble au rendez-vous. La série Star Wars, donc, qu'on connaît maintenant sur Disney+, fait non seulement mieux que la première saison, mais elle bat aussi donc plusieurs fois des records. Et c'est une vraie démonstration de force qui confirme en fait la passion du public pour cette immersion sérieuse, intense dans les origines de la rébellion. Alors chacun a un avis sur la série. Il faut se ranger à l'unanimité. J'ai pas forcément toujours adhéré au projet. Mais je dois quand même dire que je ne peux pas me tromper quand même devant autant de monde. Donc, je range un peu ma critique en disant que je n'ai peut-être pas bien regardé ou dans de bonnes conditions. C'est peut-être pour ça que j'ai un avis mitigé. Alors après, pour un peu t'excuser si tu as raté le coche, moi j'ai fait ça avec Stranger Things. C'est au moins la 10e personne que je rencontre et qui me demande de retenter l'aventure. Et quand on voit les séries Star Wars, Made in Disney, il y en a certaines, c'est vraiment pas terrible. Donc quand on voit une énième série arriver, peut-être qu'on n'est pas dans de bonnes conditions au vu de ce qu'on a subi précédemment. Mais oui, c'est peut-être vrai aussi. Après, quand on a les chiffres, on peut pas du tout se tromper. Rotten Tomatoes, qui est quand même un site très connu, donne 97%, ce qui est quand même exceptionnel pour une série. Le budget est de 650 millions pour les 2 saisons, ce qui est quand même un investissement comparable au film, ce qui est quand même très très haut au niveau investissement, il ne faut pas se tromper. Donc, vu l'argent mis dedans, que tout le monde est content, on est obligé de dire que c'est très bien, la saison 2. En plus, ils ont choisi une méthode en découpant en plusieurs années pour la saison 2. On voit, je sais plus si c'est un épisode par année ou 2-3 épisodes par année. Je sais plus comment ils ont fait le découpage, mais on voit l'évolution sur plusieurs années. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas juste une période de 15 jours. C'est vraiment étalé sur plusieurs années. C'est peut-être ça aussi qui fait le succès de la saison 2 parce qu'on a l'impression de vivre vraiment un périple sur plusieurs années. C'est intéressant. Mais c'est un succès critique et populaire, donc on ne peut pas dire le contraire, ça c'est clair. On retourne du côté de Nouveau Jour, le futur feuilleton de M6. On n'arrête pas dans le 7 Actu d'en parler. Et là, cette semaine, l'info qui nous est donnée, c'est le casting complet. On a les 34 acteurs. 34 acteurs. Bon, je te laisse les dire, je ne les ai pas. Tu ne les as pas ? Pas les 34. Ça ne s'ouvre pas ? Non, c'est pas non, ça. Non, mais on va peut-être pas la donner. Non, mais on a déjà dit les plus connus. Elena Noguera, Bruno Solo. Alors, on a Vincent Desagna, Laetitia Milo, mais je m'en fous de la pub. Jean-Baptiste Monnier, Aurélie Conaté, qu'on avait aperçu du côté du Camping Paradis. On a Juliette Chen, vue aussi dans Plus belle la vie et Camping Paradis, et d'autres noms que moi-même je ne connais pas, mais on a le détail. Bastien Benigni, Jonathan Cardonnel, Manuel Gaillard, on a tout le monde, on a tout le casting. Donc c'est impressionnant quand même. C'est un feuilleton de l'été avec 34 personnages. J'avoue que là, oui, c'est osé. Oui. David Lynch avait fait la même chose avec Twin Peaks. Il avait amené dans le premier épisode, je ne sais plus, 20 ou 30 personnages, ce qui était déjà mythique à l'époque, mais je pense qu'ils utilisent la même... Pour un lancement, moi, j'aurais plutôt choisi, je sais pas, moi, allez, une bonne dizaine, et que les intrigues soient bien imbriquées et que ça se tienne. Ah, là, 34 voir. Personnages... Ça dépend comment c'est construit, et le rythme... Bah, si c'est construit comme les feuilletons de TF1, Demain nous appartient, c'est le risque, hein. Ici tout commence, et compagnie, avec des histoires à l'emporte-pièce, c'est sûr qu'il faut 34 personnages. Mais hein. T'es en train de dire qu'on va voir 34 personnages dans le premier épisode? Non. Bah pour moi, tout au long de l'été, on aura 34 personnages. On va pas mettre les 34 sur la première demi-heure. C'est pas réaliste. J'ai jamais dit ça. Ah, hein. Donc non, on va s'y habituer. Non, mais on aura les personnages. Vous n'êtes pas en train de me prendre pour une buse, monsieur Sylvain, là. J'ai jamais dit ça. Hein. Alors, là, essayez, on va voir. Parce que hein, si ça tourne de prendre des stars, pour une buse, bah, non, vous êtes sympa. Je ne me permettrai pas. Putain, tout d'un coup, je vous vois. Mais oui, pourquoi vous me tutoyez, Laurent? Bah, très bonne question. Est-ce que j'ai le droit de te tutoyer? Non mais voilà, c'est quand même impressionnant. C'est un feuilleton normalement qui est conçu pour durer jusqu'à octobre, si j'ai bien compris. Bah, c'est un soap opéra, septembre, hein, octobre. Ils sont pas cachés, hein, donc, Oui, mais 34 personnages, oui. C'est quand même... Est-ce que tous vont parler et présent autant qu'Elena Noguera, Bruno Solo ou Vincent Dossania? Je ne suis pas sûr. Parce que s'ils comptent le portier, le gars qui passe dans la rue ou le laveur de carreaux, ça va peut-être... Oui, ou un mec qui ouvre une porte. Hein. Mais oui. Tiens, Louis de Funès, bonjour, au revoir. Oui, tu peux mettre 34 personnes, mais à voir, quoi. À voir, voilà. Enfin, en tout cas, les semaines passent et les infos continuent à tomber les unes derrière les autres. Avant d'en arriver aux deux dernières infos qui sont... Alors, il y en a une qui est puissante et l'autre qui est belle. on va s'arrêter un court instant sur une alliance sans précédent qui n'a rien à voir avec les séries. Ah, oui. Mais comme on parle souvent dans Destination Série de Ça ira mieux demain, l'émission qui nous suit entièrement pilotée par Benoît, il était quand même important pour moi de parler de cette alliance qui vient de se faire entre un des plus gros groupes européens et une des plus grosses plateformes mondiales. On peut dire que c'est historique. Hein. C'est historique, c'est du jamais vu. Ah oui, c'est jamais vu. Je pense que c'est une formule qui peut marcher. En fait, ce dont tu parles, c'est que le 18 juin, donc TF1 et Netflix ont annoncé donc... Un partenariat. Un partenariat, voilà, c'est ça le bon terme. Et donc les chaînes de TF1, donc TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film, mais surtout tous les contenus de TF1+ en replay seront disponibles sur Netflix pour les abonnés. Alors c'est pas maintenant, ce sera pour l'été 2026, mais c'est quand même une formule incroyable. C'est du jamais vu quoi en Europe. Ah bah, celui qui a Netflix, il aura le catalogue Netflix plus le catalogue de TF1. Oui. Et je suppose que le renvoi de balle, il y a peut-être un moyen de... Oui, alors les enjeux ne sont pas les mêmes parce que TF1, en fait, veut toucher un public plus jeune et connecté grâce à Netflix. Et Netflix, il voit aussi son intérêt pour combler l'absence de contenu en direct dans son offre et puis aussi enrichir son catalogue de streaming. Voilà, je pense que c'est une symbiose bien équilibrée, hein, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais c'est un modèle inédit, c'est ça, ce qu'on pouvait retenir aujourd'hui. Il y a Benoît qui nous écoute du bord de sa piscine. donc apparemment, il a bien aimé Atlantis is Calling. Et il me met... Andorre, dommage que Disney Plus s'est retiré de toutes les plateformes. J'ai pas compris ta phrase. Andorre, dommage que Disney Plus s'est retiré de toutes les plateformes. C'est son message. À un moment donné, Disney Plus était peut-être disponible sur différentes plateformes comme. D'accord. Et maintenant, il faut s'abonner uniquement à Disney Plus pour avoir. Oui, peut-être qu'avec avec TF1, etc. Il y aura peut-être une proposition qui va arriver et qui va changer un peu la donne. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas trop son commentaire qui compte le plus. C'est que là, il m'a envoyé une photo. On voit ses pieds au bord de la piscine qui sont en train de se dorer. C'est très radiophonique. Voilà, ça, c'est très radiophonique. Imaginez des pieds qui sont. Une photo où on voit une piscine et au bord de la piscine, on voit les pieds, qui sont au soleil et qui profitent de l'instant. Raison. Voilà. Donc je salue les pieds de Benoît. C'est vraiment le pied de recevoir des messages de ce style. Le 7 Actu, c'est aussi l'alerte Benjamin. Et attention, cette semaine, comme les autres semaines, c'est du lourd. Paramount Plus vient de renouveler pour une 5e et dernière saison Star Trek Strange New World. Dès le départ, il s'agissait du plan de vol que s'étaient donné les producteurs de la série. J'ai un chat. Cette 5e saison ne sera pas sur nos écrans avant un long moment, puisque la 4e saison est encore en production. Nous allons donc pouvoir suivre encore quelques années les aventures du capitaine Pike et de son équipage. D'ici là, Paramount aura lancé la nouvelle série Star Trek. Elle va s'appeler Star Trek Starfleet Academy. Waouh. Ça, c'est une super. Alors, moi, je dirais que c'est une bonne annonce pour Star Trek Strange New World, puisque ça va donner aussi le temps aux scénaristes de nous faire un final en apothéose. Et comme derrière, on a donc cette info grâce à l'alerte Benjamin, Star Trek Starfleet Academy. Starfleet, voilà, c'est un nom qui reste gravé dans mon cœur. Et du moment que les séries Star Trek continuent, c'est le principal. La dernière info, attention, mesdames, messieurs, on se dirige du côté d'un nouveau spin-off de NCIS Enquête Spéciale, mais ce n'est pas n'importe quel spin-off. Et d'ailleurs, toi-même, Sylvain, tu nous avais souligné que ce n'était pas un simple spin-off, c'était un peu plus feuilletonnant que les autres séries qu'on avait connues. Et là, on a une date. Absolument. Alors, on parle de la série donc NCIS Tony et Ziva. La date, alors je ne l'ai pas notée dès le début de mes notes, le 4 septembre 2025. C'est ça. J'ai eu chaud. Effectivement, c'est programmé pour le 4 septembre 2025, donc à mettre sur vos agendas. Donc, l'intrigue, est-ce qu'on la rappelle ou pas ? On peut la rappeler. On peut la rappeler. On peut signaler que ça fait quand même 22 ans. 22 ans après ses débuts à la télévision américaine, la franchise NCIS incroyable. Continue. Et je voudrais une énième fois souligner que si la franchise NCIS a pu voir le jour, c'est grâce à la série JAG, inoubliable série JAG qui se passait dans les tribunaux de la Navy américaine. Et voilà, c'est aussi une série que je garde dans mon cœur. Et d'ailleurs, j'ai un superbe coffret. Je crois bien que c'est le plus beau coffret que j'ai pour une série. Et il est magnifique, ce coffret. Pour une série qui est excellentissime de bout en bout. Et en plus, elle a donné naissance à une franchise qui continue son petit bonhomme de chemin. D'accord. Donc, concernant l'intrigue, donc on disait que Tony et Ziva, donc la série, ça se passe des années après leur départ de NCIS. Et Tony et Ziva vivent à Paris avec leur fille Tali, qui a 12 ans au moment des épisodes. Et leur quotidien, effectivement, bascule lorsqu'une attaque vise la société de sécurité de Tony. Et le trio doit fuir à travers l'Europe, découvrir qui les poursuit et réapprendre à se faire connaître pour enfin vivre en paix. Ça, c'est l'intrigue. Et il est prévu donc une saison 1 de 10 épisodes, avec bien sûr Michael Waverly qui joue Tony et Côté de Pablo pour Ziva. Et le tournage s'est déroulé à Budapest pour simuler les rues de Paris. Un peu surprenant, mais c'est comme ça. Pareil dans les îles Canaries et aussi quand même à Paris, a priori. Et ça s'est achevé début 2025, le tournage. Donc, on est prêt pour septembre. Alors, nous, Français, on ne tourne pas au Louvre. On tourne dans d'autres châteaux pour faire croire qu'on est au Louvre. Les vieux viennent à Paris. Alors, eux, ils vont à Budapest pour faire croire qu'on est à Paris. Allez, comprends. Moi, je ne comprends plus rien. Qui tourne où ? Qui tourne qui ? Qui suis-je ? Voilà, grande question aujourd'hui dans Destination Série. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir, l'honneur de découvrir un nouveau numéro de Secrètement Vôtre. Mais avant, nous poursuivons notre parcours au sein de cet univers que Tom Anders a lancé en début d'année. Tom Anders chante les Modern Talking avant de découvrir le titre inédit de Ready for Romance. Là, on reste sur un sentier connu, c'est la revisite de Brother Louie. Flame grows higher, babe. Don't let him. Je ne sais pas si c'est une impression, mais on a le lecteur qui en fait qu'à sa tête. Il accélère, il ralentit. C'est assez étonnant. Mais rassure-moi, Fadjet, ce n'est pas magnéto à bande quand même. Non, je peux te dire que ça fait longtemps que nous avons abandonné le magnéto à bande. Et quand tu vois la régie, ça ne fait vraiment pas penser au magnéto à bande. Parce que là, on a eu des coups d'accélération, c'était surprenant. Oui, mais là, je pense que le matériel a pris un coup de chaud. Et quand on voit comment il fait froid à l'extérieur, tout ceci est compréhensible. On retrouve maintenant la seule rubrique qui ouvre les dossiers classés et confidentiels du petit écran, mais avec une lampe torche, un chapeau mou et un sourire en coin. Vous pensiez tout savoir sur cette avocate à la démarche de cartoon. Ce prof de chimie chauve, devenu icône du crime. Ou encore ces habitants du Midwest qui prennent un flingue comme d'autres prennent une pelle à neige. Attendez de découvrir les coulisses. Actrice recalée, pizza lancée en une prise, météorite en plein procès et un acteur qui finit président des États-Unis. Étonnant, non? C'est fou, c'est véridique, ou presque. C'est secrètement vôtre. Et ça commence maintenant. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô? Oui, j'écoute. Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Chut! Pas de bruit. T'es prêt? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans Secrètement vôtre. La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Alors là, mon ami, tu touches un petit bijou de la télévision américaine. Ah, mais c'est plus qu'un bijou, c'est un mythe, cette série. Bien sûr, vous aurez reconnu le générique, c'est Ally McBeal, une série qui date de 1997. Le vrai nom d'Ally McBeal, c'est Allison Marie McBeal. Et ça fusionne comédie judiciaire, drame absurde, comédie musicale, des scènes fantasques, hallucinations, des langues à la Tex Avery, même un bébé qui danse. Enfin, il y a de tout dans cette série. Bridget Fonda, ça on le sait moins, était pressentie pour jouer le rôle d'Ali. Mais elle a refusé, alors là accrochez-vous, parce qu'elle craignait d'aimer le script et de se lancer dans la télé. On aura tout vu. Et en fait, c'est Calista, donc Flockhart, qu'on connaît maintenant, qui est aussi la femme d'Harrison Ford dans la vraie vie, qu'il a finalement incarné. Un autre acteur emblématique de la série, c'est Peter McNichol, qui joue le rôle de John Cage. Et bizarrement, même s'il est emblématique aujourd'hui dans la série, il n'apparaît pas dans le pilote. Il a rejoint l'équipe dans l'épisode 2 en tant que guest. Et comme son rôle plaisait tellement, il est devenu un personnage récurrent. C'est quand même des fois des bons coups de chance. Bah, Huggy, les bons tuyaux dans Starsky Hutch, oui, il est pas là pour durer. Hein. Bah oui, mais c'est des hasards heureux, on va dire. Et Starsky Hutch, maintenant, dans l'inconscient de tout le monde, bah, c'est Huggy, les bons tuyaux en troisième position. Hein. Avec le célèbre Antonio Fargas. Ah oui, le capitaine Dobé. Fargas, c'est Huggy. C'est Huggy, et je voulais signaler le capitaine Dobé, parce que dans la série, il y en a quatre pour moi. T'as David Soul, t'as Paul Miguel Glaser, t'as Antonio Fargas, Huggy, et t'as le capitaine Dobé. Bernie Hamilton. Waouh, alors là, t'as été chercher loin, là, je l'avais pas celui-là. Bravo. Pour Ali McBeal, donc on continue, on voit défiler par contre des personnalités incroyables. Alors là, accrochez-vous parce qu'on a du lourd. Il y a entre autres Matthew Perry, qu'on a vu dans Friends. Mm-hmm. Il y a Heather Locklear, qu'on a vu dans... Heather Locklear, on l'a vu dans Dynasty. Oui. On l'a vu dans Hooker. Oui. On l'a vu partout. Ben dans oui. Belrose Place. Exact. Tu connais tes classiques, je vérifiais pas, hein, c'est parce que je voulais te donner un peu la parole. Aussi Marcia Cross, qui jouait dans Desperate Housewives, oui. Aussi, et puis dans d'autres séries. Michael Vartan. Oui. Et bien sûr, des icônes musicales. Alors là, pareil, on a du très très lourd. Il y a Sting, Tina Turner, Mariah Carey, Elton John, Bon Jovi. Enfin, la liste est juste incroyable. Dans les tout premiers épisodes de la série, on voit un bébé qui danse. Et en fait, il n'a pas été inventé pour la série. En fait, c'est une animation qui est devenue célèbre dans les années 90 et qui était juste créée par une société, voilà, un studio qui avait fait ça pour s'amuser. Et comme le producteur d'Ali McBeal avait trouvé ça sympa, il l'a intégré en fait pour illustrer l'horloge biologique d'Ali avec le bébé. Mmh. Voilà, ils ont mélangé ce qu'ils avaient à l'époque parce que faire des images de synthèse en 1997, à mon avis, ça coûtait un bras. À la fin de la saison 4, par contre, Ali devait épouser Larry Paul, qui était joué par encore quelqu'un de connu, Robert Downey Jr. Mais en avril 2001, ce fameux Robert est arrêté pour usage de drogue. Et la Fox le renvoie, et les scénaristes réécrivent le final. Et en fait, Larry jette l'éponge pendant la cérémonie, et donc ne se marie pas avec Ali McBeal, parce que, bien sûr, il a été arrêté dans la vraie vie. Ça, c'est... J'ai toujours pas compris pourquoi on mêlait la vraie vie et qu'on l'impactait dans les séries en punition. Mais bon, pourquoi pas. Autre personnage important de la série, en fait, c'est Wanda Shepard, alors qui a un rôle un peu particulier, parce qu'elle ne parle jamais, elle ne fait que chanter. Et... on la voit, si je ne me trompe pas, dans chaque épisode, au moins à la fin. Au final. Au final, elle chante toujours des chansons. Et elle est devenue célèbre grâce à cette série. À l'époque, on la connaît moins maintenant parce qu'il y a peut-être moins d'actualité, mais à l'époque, tout le monde connaissait Wanda Shepard. Autant on la voyait en image, mais on voyait toutes ses musiques aussi. Et c'est elle qui a fait le générique également mythique. Alors, on en a pas mal des séries OVNI dans le paysage audiovisuel mondial, mais je trouve que cette série est un OVNI. Oui. Dans la réalisation, dans les personnages. C'est que des bonnes idées. Hein. Chaque épisode sont vraiment déroutants, étonnants. C'est vraiment un vrai spectacle. Alors, moi, je retiendrai surtout un épisode, d'ailleurs, que j'ai revu il n'y a pas longtemps pour la chronique. Bon, chaque personnage en fait, dans la série a un thème musical, et le plus connu c'est celui de John Cage, avec la chanson de Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Celle qu'on entend derrière. Exactement, et comble du caméo, Barry White vient même chanter dans un des épisodes devant John Cage, qui bien sûr fond complètement. Et on l'entend en ce moment, c'est pour ça que je l'ai intégré dans ce fond sonore de ma rubrique, parce que ça reste mythique. Bah déjà, le Barry White en lui-même et la scène voilà, est sublimée grâce à la réalisation, l'excellente réalisation de la série. Absolument. Il y a même eu un spin-off, mais ça, on ne va pas s'éterniser dessus, ça n'a pas marché. Il y a eu des épisodes, pas d'audience, il y avait un spin-off, bon. Ça n'a pas marché, dommage, mais bon, peut-être que ce n'était pas aussi bien. En résumé, on va dire quoi ? Ally McBeal, ce n'était pas qu'une série divertissante, comme tu le disais, Laurent. C'était une expérience visuelle, musicale, mais aussi le reflet d'une époque, parce que la télé flirtait avec l'absurde à cette époque-là, tout en souffrant de normes de beauté toxiques, parce qu'elles sont incroyablement minces, les femmes dans cette série. Bah, surtout Carlista. Oui, surtout elle, mais après, c'est peut-être une physionomie, elle n'a pas beaucoup grossi depuis. Et surtout la musique omniprésente, ses guests surprises, et elle reste un des ovnis télévisuels des années 90. Alors là, j'avoue que je suis scotché. Par quoi ? Bah, je me demande où on est. Ah, tu ne connais pas cette musique ? Alors celle-là, non, parce que le générique est très court. Oui. Mais même le générique précédent, là, juste avant ? Écoute, là, j'ai un blanc. Ah, si ah dis, il est content. Mais tu c'était la connais, quoi ? Mais tu l'as peut-être pas vu, c'est pas grave, tu peux pas être parfait. On parle de Breaking Bad. Ah, on m'en a parlé deux, trois fois, mais j'ai jamais regardé. Alors, le terme Breaking Bad, en fait, c'est une expression qui est familière du sud des États-Unis, signifiant sortir du droit chemin, mal tourné. Voilà ce que ça veut dire pour l'explication de texte. Et Breaking Bad, c'est quoi ? C'est un professeur de chimie du lycée qui s'appelle Walter White, qui apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable et qui décide de fabriquer de la méthamphétamine pour assurer l'avenir financier de sa famille. En s'associant avec un ancien élève qui s'appelle Jesse Pinkman, il plonge dans un monde criminel qu'il transforme peu à peu en baron impitoyable de la drogue. Alors initialement, l'acteur qui joue Jesse Pinkman, un peu comme John Cage précédemment, il devait mourir en fait dans la saison 1, ce fameux Jesse, et comme bien sûr, encore une fois, il apportait encore une fois quelque chose à la série, ils ont décidé de le garder, et donc il n'est pas mort et continue pendant les 5 saisons qui vont se poursuivre. Plus tard, Bryan Cranston, donc, qui incarne Walter White, s'amusait à tourmenter même sa co-étoile, qu'on pourrait dire, en parlant de Jesse Pinkman, en lançant des fausses rumeurs sur la mort de Jesse sur le tournage, allant même jusqu'à organiser un essayage de cercueil pour le faire flipper. Là, il poussait un peu loin le bouchon quand même. Ce qui est quand même important dans cette série, c'est que l'émission, en fait, est très authentique. C'est-à-dire qu'ils ont invité des chimistes de la DEA pour former les acteurs, donc Bryan Cranston et Aaron Paul, pour la fabrication de méthamphétamine. Bien sûr, ils n'ont pas montré les étapes clés pour empêcher toute réplication. Mais ils voulaient quand même un côté authentique. Voilà, on va dire que dans les grandes lignes, c'est correct, mais ils ne donnent pas les petits détails qui font que ça fonctionne. C'est comme du côté de MacGyver dans les années 90, où à un moment donné, les producteurs sont obligés de ne pas tout montrer. Car derrière, on avait de jeunes téléspectateurs qui tentaient de refaire les expériences de MacGyver et c'était plutôt dangereux. Certains ont refait les expériences de MacGyver pour vérifier si ça marchait. Voilà, mais à un moment donné, dans la série, ils donnent plus tous les ingrédients, donc ça ne marchait plus. Heureusement, je pense qu'on est passé à côté de certaines catastrophes. Et par rapport à Bryan Cranston, à un moment donné, il se rase le crâne et comme il se plaignait du froid, il a demandé un chapeau. Et le chapeau dont tu parlais dans ton introduction, ce chapeau mou, est devenu aussi iconique du personnage parce que Walter White, c'est un homme chauve avec un chapeau, des lunettes. C'est l'icône en fait de Heisenberg, son nom de gangster. Mais c'est des hasards des fois, encore une fois, qui créent des symboles et des personnages. Donc c'est par hasard, il avait froid, il a demandé un chapeau et c'est devenu un icône. Concernant la pizza donc, que tu abordais dans l'intro, c'est une scène en fait, où Walter balance une pizza sur le toit de sa maison, et d'ailleurs qui a été réalisée du premier coup, parce qu'il était énervé contre sa femme qu'il foutait dehors. Mais l'anecdote amusante, c'est que cette maison, ce n'est pas un lieu de tournage, ce n'est pas un studio, elle existe vraiment cette maison. Le propriétaire du vrai domicile de Walter White, qui se trouve à Albuquerque, en a assez, enfin ça s'est calmé depuis, mais les gens venaient pour lancer des pizzas sur le toit de la maison, ce qui crée un véritable foutoir. Et voilà, c'était très compliqué parce qu'à un moment donné, t'en as marre que des gens jettent des pizzas sur ton toit. Quoi. Bah, si c'est une fois par semaine, ils pouvaient manger gratis. Sauf que si c'est du lundi au vendredi. Ouais, je pense que c'est juste insupportable. Quoi. Puis comme aux États-Unis, ils ferment pas, ils n'ont pas de clôture, hein, c'est ouvert chez eux. Donc. Mais bon, c'est l'anecdote qui m'a vraiment fait sourire parce que c'est une des scènes pareilles, anecdotiques, mais qui devient un emblème pour les femmes. Même chose pour dans les acteurs voilà, qu'ils ont décidé de garder comme Gus Fring. Alors Gus Fring, il faut savoir, à un moment donné, il est tué, il meurt dans un épisode de la série. Et pour donner en fait à la mort de Gus Fring un réalisme macabre, ils ont même fait appel au maquilleur de Walking Dead. Et j'avoue que la scène, je m'en souviens encore, tellement elle est incroyable de réalisme, parce qu'il est défiguré, mais d'une manière tellement réaliste, que ça en est vraiment flippant pour le coup. C'est vraiment gore, mais c'est incroyablement réaliste. Ça m'a marqué en fait cette scène. Et c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que justement, ils avaient utilisé les maquilleurs de Walking Dead. Et justement, Gus Fring, encore une fois, ça devait être un antagoniste mineur, mais comme c'est Giancarlo Esposito qui l'incarnait, ben, il n'a jamais quitté la série, en fait, comme Aaron Paul qui jouait Jesse Pinkman, l'acolyte de Walter White. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Breaking Bad, c'est un succès avec une combinaison rare, une écriture affûtée, pareil, un super casting, des improvisations brillantes, je pense que c'est dans toutes les séries, ça, un réalisme scientifique, des moments de folie visuelle, et puis bien sûr, je pense que l'alchimie de Bryan Cranston et Aaron Paul a forgé vraiment un des plus grands mythes de la télévision. Alors là, je ne sais pas si je dois te pardonner de ne pas connaître. Non, apparemment, non, tu lèves les yeux au ciel. Alors, on va parler de Fargo, qui est non seulement un film des frères Coen, oui, mais aussi une série qui est excellente et qui a été produite par les frères Coen. Là, ce n'est pas eux qui ont réalisé, mais ils l'ont produite. Alors, c'est très rare dans le cinéma d'avoir ce phénomène comme ça, entre un film qui se décline en série en gardant la même mécanique comme ça. Ce n'est pas des choses qu'on rencontre souvent et ce n'est pas souvent gagnant, mais là, ça fonctionne. Donc, Fargo, c'est quoi ? C'est une ville frontière entre le Minnesota et le Dakota du Nord. Et chaque saison, il y a eu 5 saisons de Fargo, c'est une série de 2014, et qui raconte chaque saison à une histoire distincte, non seulement, on va dire presque dans les lieux, mais surtout dans l'époque. Et ça mêle des crimes absurdes, des personnages excentriques, une ambiance effectivement glaciale, parce que ça se trouve dans le Midwest américain, qui est quand même très froid. Et la série explore avec noirceur et humour les conséquences donc, du mal ordinaire sur des gens ordinaires, et dans un style effectivement qui rend hommage au film culte des frères Coen. Et cette musique, moi je m'en souviens parce que j'ai adoré le film, j'ai adoré la série, d'ailleurs je suis en train de la revoir pour le plaisir, mais encore une fois, un peu comme Ally McBeal, ils ont un système de stars invités, et dans chaque saison, on a toujours un acteur issu d'un des films des frères Coen. Alors pour n'en citer que deux, Billy Bob Thornton, alors c'est encore une fois des prononciations compliquées, qui a joué dans The Barber des frères Coen. Et on a aussi Bruce Campbell, qui est surtout connu pour Evil Dead, bien sûr, mais il a joué aussi dans un film des frères Coen. Et là, dans ce film-là, il joue le rôle de Ronald Reagan dans la série Fargo. Dans chaque saison, on a toujours un acteur qui était dans un des films des frères Coen. C'est amusant, c'est une mécanique aussi inédite, je tenais à le souligner. Et toute la production, en fait, s'est faite en hiver, à Calgary, pour capturer la neige, l'air polaire typique de l'univers de Fargo, qui entraîne des conditions extrêmes sur le plateau, mais qui donne vraiment cette ambiance unique, je pense, à la série et au film. Il y a aussi des symboles qui sont assez codés dans la série. La parka rouge, par exemple, qui est portée par Lester dans la saison 1, qui symbolise en fait sa transformation parce qu'il passe du statut de proie à celui de prédateur et qui rappelle quand même un peu le conte, si on extrapole beaucoup, du petit chaperon rouge. Et il y a surtout une autre référence qui est beaucoup plus forte, on voit le chiffre 613 qui se répète un peu partout, dans les adresses, la station-service, dans des codes de policiers. Et en fait, ça renvoie symboliquement aux 613 commandements de la Torah qui jalonne en fait une dimension mystique et morale dans l'intrigue. Tout ça, c'est des références qu'on ne voit pas forcément à la première vision, mais quand on est un peu habitué aux caméos et au système des chiffres qui se répètent, on voit souvent des coïncidences et il y a une explication derrière ça. Et bien là, 613, c'est les 613 commandements de la Torah. Même chose, ils tentent des choses improbables dans la série, c'est toujours... Ça tombe de nulle part. Par exemple, dans la saison 2, il y a un ovni qui apparaît dans l'épisode Massacre à Sioux Falls. Et le créateur de la série explique qu'il assume ce choix absurde. Dans un vrai récit, en fait, on inclut des détails les plus fantasques parce que, bizarrement, c'est ce qui est le plus improbable qui donne un accent de vérité. C'est osé, mais ça fonctionne. Le style visuel, c'est surtout les années 70 avec des palettes oranges, des mobiliers vraiment esthétiquement référencés dans cette époque. Chaque épisode de la saison 1 porte le titre d'un paradoxe. Par exemple, qui rase le barbier ? Je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Et en bref, Fargo navigue entre hommage discret au film original, audace stylistique, entre neige factice, ovni incongru, symbolisme visuel, des fables morales. Tout est pensé pour troubler, intriguer, captiver. Et chaque saison se veut un roman nord-américain sombre, toujours prêt à surprendre. Merci. Et moi aussi, je vais jouer à Sylvain. C'est quoi ce générique ? C'est pas le plus connu. De Franck Chasseur de Fauves. Ah ah, tu connaissais pas ? Et alors, ça c'est quoi ? Maintenant que t'en parles, waouh. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est connu. Mais on avait une version française. Bah voilà, c'est souvent ça le problème. Bon là on est vraiment dans les années au maximum 80. C'est ça. Vas-y, là, je donne ma langue au chat. Attends la suite. Ah, mais c'est sûr que je connais. Pour l'amour du risque. Waouh. Et là, on termine. Très loin de la version française. Et là, on termine avec quelque chose de. Là, t'es obligé de connaître. Ah, je crois que c'est Côte Ouest. Il y avait un indice. Voilà, voilà, je voulais faire mon petit Sylvain. Là, on retrouve une nouvelle fois Tom Anders. Je l'ai déjà dit en ouverture de ce nouveau Destination série. La réédition de Ready for Romance, le troisième album des Modern Talking, est sorti aujourd'hui. Et depuis le début de l'émission, on revisite les gros tubes. Là, c'est un titre inédit qui est sorti avec Let's Talk About Love qu'on a déjà entendu. Et avant de se quitter, je vous proposerai d'entendre l'inédit qui est sorti aujourd'hui avec Ready for Romance. Mais pour le moment, on retrouve Love Society, qui fait partie désormais du deuxième album des Modern Talking. C'est le bonus track que Thomas et Christian Geller nous ont offert il y a 2 mois. Society, lady, you and me, bittersweet, it goes so deep, love society. Le rétroviseur 2.0. Le rétroviseur 2.0. Alors, on va passer en revue les 5 séries qui ont cartonné cette semaine, vu le temps qu'on a. Si on veut passer le nouveau Tom Anders. Oui, c'est quand même prioritaire. Oui. Oh. Il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités dans la vie et on doit rendre l'émission, enfin rendre l'antenne plutôt à 19h. Donc, j'y pense là. Surtout, n'oubliez pas, demain, la fête de la musique à Jarville. Vous allez pouvoir retrouver votre radio à Jarville avec un magnifique podium et plein de surprises. Donc, si vous voulez fêter la fête de la musique comme il se doit, retrouvez-nous du côté de Jarville. Et donc, du côté du rétroviseur, ça donne ce classement en 5e position. On a le remplaçant à 2 740 48 000 téléspectateurs, c'est pas cher payé. Non. En quatrième, on a Vanina Meurtre en Sicile, Ça c'était France 3 à 2 778 000. En troisième, Meurtre au Paradis, 2 992 000. En deuxième, À l'instinct à 3 702 000 téléspectateurs, ça c'était vendredi sur France 2. Et en pole position cette semaine, c'est Meurtre à Chartres. Samedi dernier, France 3 était en tête des audiences avec plus de 4 millions de téléspectateurs et ça lui donne la première place du rétroviseur de cette semaine. C'est étonnant, on n'a pas HPI, même si c'était en rediff, HPI aurait pu être quand même dans le top 5. Ça m'a surpris, là, je pensais qu'il serait dedans. Ouais. Et, HPI est sixième cette semaine à 2 490 000 téléspectateurs. C'est dire qu'il y a eu une désertion du côté de TF1 hier, ça a été d'une puissance sans nom. Je pense que c'est comme moi et Benoît, on a été très déçus de l'annonce qui disait la suite en septembre. Voilà, ils ont boudé. Ah ben là, c'est clair. Et là, on ne veut surtout pas que vous boudiez. Puisque aujourd'hui est sorti et ressorti Ready for Romance, le troisième album des Modern Talking. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, Christian Jeller et Tom Anders ressortent les 6 premiers albums de Modern Talking depuis janvier. À chaque fois, on a 2 inédits et les titres connus sont upgradés. On connaît un lifting. Ils respectent le son des années 80 tout en leur apportant un peu de fraîcheur. Mais du côté des inédits, ça peut donner ceci. Alors, je l'ai pas entendu en entier. On va l'écouter ensemble. Voici donc le nouveau titre, un des 2 titres inédits de Ready for Romance, revu par Christian Jeller et Thomas Anders. Ça s'appelle Midnight Lover et normalement ce soir, le clip sort. Donc si vous êtes fan comme moi, ce soir, il va falloir être sur les réseaux pour découvrir le nouveau clip de Tom Anders. Ça s'appelle Midnight Lover. City can't be filled with danger. Oh, baby, please don't. Alors, je l'ai déjà dit précédemment dans Destination Série, c'est que ces titres inédits se veulent rester dans l'esprit des années 80 et des albums où ils sont insérés. C'est pour ça qu'on a l'impression de retourner dans les années 80 avec ce titre inédit. Alors moi, ça me fait une drôle de sensation. Si on m'avait dit que 40 ans plus tard, j'aurais une relecture des albums et en plus des titres inédits, même si Dieter n'est plus derrière, on peut considérer un peu que c'est un nouveau titre Modern Talking. C'est assez, assez puissant mais de vivre. Mais si c'est du Thomas, en fait, c'est un peu différent quand même. C'est ça qui est bien. Ils arrivent à renouveler un petit peu en restant dans l'esprit, mais sans copier. Enfin, c'est bah, je pense qu'il y a Christian Geller derrière son producteur qui est là pour insuffler voilà, son style aussi à lui. On va se quitter avec, en disant quelques mots sur un Amicalement Vôtre qu'on aurait voulu développer, mais l'actualité nous a un peu poussé. On va se quitter quand même avec le générique. D'accord. Qui reste emblématique de la série. Alors c'est sûr qu'on la semaine dernière on a parlé des coulisses et notamment de Tony Curtis et de Roger Moore qui reste un duo inoubliable, mais l'essence même et le cachet en plus pour cette série, c'est véritablement son générique de John Barry. J'ai fait playback hein. Donc c'est peut-être ta prononciation voilà qui reste mythique. On vous remercie, il est 19h passé de une petite minute, vous êtes bien sûr Fadjet. On vous remercie de votre fidélité. La semaine prochaine on sera de retour pour un nouveau numéro de Destination Série, c'est promis. Benoît sera là, s'il est pas là on ira le chercher par la peau du dos, et voilà, profitez bien de la fête de la musique notamment avec Fadjet à Jarville, et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Destination Série. On vous embrasse tous très fort. Bon week-end et bonne fête de la musique surtout. Exactement.